36, c'est normal pour un club comme le Racing. Tout à fait, tout à fait. C'était déjà comme ça. Génial le club de Roy qui l'avait prêté à Bordeaux. Et il l'a prêté à Bordeaux, il a été champion de France alors que nous, on était péniblement. C'est Jean-Luc Darqui qui est là. Et tu vas nous. Alors, quel est ton instit de CP préféré? Oh, Federer, merci, c'est ça. C'est le Napoli à gagner. Quel est alors ton instit de CP? Parce que ton père a eu. Qualité, et ça aussi. Sois gentil, c'est... écoute l'épisode parce que je vais pas le refaire, quoi. J'ai pas assez bu encore. Bah, c'est pour moi, tu peux le refaire. Ouais, ouais, mais. Faut que je boive plus parce que. Oh, le Pito! Pito s'en va! Ah! Oh! Je picole depuis le début de l'après-midi. Exactement. Mais bonsoir, bienvenue. Écoute, moi, mon premier radio YouTube, c'était. J'ai pris le tram pour aller jusqu'au terminus à Elkirch. C'était Studio plateau. C'était en décembre, il faisait. Allez, à côté de Pepito, c'est Paolo. Bonsoir et bonne soirée. Voilà, genre un retour, Paolo. Ah bah écoute, voilà, tu m'as invité, donc je viens, quoi. Exactement, c'est l'esprit Radio Ch'toub voilà, de Noël. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, à côté, on l'a invité, il est venu, c'est Hathor. Oui, bonjour, bonsoir. Voilà. Bon, on va pas dire, il a été invité. Il n'y a pas d'ubiquité de la palette. Ouais. Bon, alors, tu sais, à nos âges, les souvenirs peuvent être parfois un peu flous. L'important, c'est elle était consentante, oui, non, bon, c'est toujours un peu... L'important, c'est de mentionner la belette. C'est ça. Non, mais la belette, moi, ça... But now we come to a period that I call the battle for identity. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Radio Ch'toub, 18e saison, émission exceptionnelle au studio habituel. Alors, beaucoup de travail, beaucoup de monde, beaucoup d'infos, beaucoup de sommaires. Pas d'ouvre-bouteille. Et pas d'ouvre-bouteille. Si, il est là. Merci. Voilà. Nous allons commencer ce tour de table dans l'ordre d'arrivée. Et le premier à être arrivé, c'est Fred. Pepito, mi corazón. Salut tout le monde. Hein. Voilà. Donc, moi je suis timide, moi je suis jamais là. Voilà. C'est vrai, voilà. Mais c'est vrai qu'après on parlera chacun de ses meilleurs moments et on se rappelle tous de ton meilleur moment. Fred Pepito, c'est vrai. Les pseudos. Allez, à côté de Pepito, c'est Paolo. Uno, due, sei, nove. Et bonne soirée. Voilà, genre un retour, Paolo. Un bon écoute, voilà, tu m'as invité, donc je viens, quoi. Exactement, c'est l'esprit Radio Ch'toub ouais, de Noël. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, à côté, on l'a invité, il est venu, c'est Hathor. Et bonjour, bonsoir. Voilà. Bon, on va pas dire, il a été invité aussi, il est venu aussi, c'est Bouknon. Hein. Salut. Voilà, Monsieur Foot de Foot. Saint-Étienne pour la reine, tout est enculé. Dans les gradins, c'est l'enfer. Écoutez les supporters. Allez, allez, allez, courez, courez, courez. Allez, allez, allez, tapez dans le ballon. Tapez sur les voisins. Football. Bonjour, bien sûr. Voilà. C'est un peu chaud. Ouais, Jean-Luc Darqui qui est là. Antisocial, tu perds ton sang au froid. Pense à toutes ces années de service. Bonsoir. Jean-Marc Darky. Jean-Pierre Darky. Ouais, Jean-Pierre Darky. Non, tu peux pas. T'es bloqué. T'es bloqué. Ça sera le garde chiourme de. C'est lui qui va mettre l'ordre. C'est Roulian. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi, au midi. Il y a tout ce que vous voulez. Champs-Élysées. Bon, gueule. Ce jingle retentira dès que tout le monde parlera trop, mais j'ai l'impression qu'on tient quelque chose. Ah, voilà. Je déplace le micro, c'est un truc qui a jamais été fait à Radio Choupe. Je mets sur la boîte de Wasabi et je continue par Oudin. Allez, vite en main. Oh là, c'est bien, on gagne le public alsacien et raciste, tout ça qui est. Voilà, Alex Co. C'est toi que t'es pété la trop d'amour. Si tu as la joie à mon amour, je reste sable chaud sur un air de Mexico. Ouais, salut, écoute, c'est la première fois que je crois que je fais Radio Chute où tous les auditeurs sont là. Donc, il est aussi auditeur, il n'est pas toujours là, mais on l'accueille avec plaisir. C'est Kittle. À tous en direct du canapé. Oui, il y a une deuxième salle. Avec le siège Ricaro, là, ou je sais pas quoi, là. Non, comment c'est le siège Marco. Ouais, les sièges comme sur le banc. Non, Marco, ouais. C'est les pompes. Oscaro.com. C'est pas Oscar, ça. Chut, pas de marque. Raph Maninoff est là aussi. Salut à tous. Voilà. Ouais. Grand retour aussi. Hein. Ouais. Deux historiques qui sont là. Et évidemment, il est craint par tout le monde aujourd'hui. Trottin. Perché lui è James Bond. Bonsoir, Monsieur Gigas. Et donc du coup, nous allons un petit peu mixer, genre entre les deux tables. Et alors aujourd'hui, bien sûr, l'actualité est brûlante. C'est la... Ah oui, mais... évidemment. Parce qu'on oublie de parler de celui qui nous reçoit ce soir, le grand maître, celui qui... Qui nettoiera après. Qui nettoiera après, c'est ça. Le grand timonier de Radio Choup depuis quelques saisons, évidemment. Je veux parler, comment il s'appelle déjà, de Gigas. I remember Dublin City in the railroad times. I remember Dublin City in the railroad times. Saison, on va tout de suite commencer par Paolo. Est-ce que tu te rappelles de la première émission? Oui, je me rappelle très bien. Pourquoi? Chez moi. Donc, C'était chez toi et oui. Ça suivait quel match? Alors là, putain, un match de Ligue 2 obscur. Je crois qu'on avait perdu. Contre Guingamp. Ouais, c'est ce que j'ai inventé et que j'ai marqué. Donc maintenant, c'est vrai. Ouais, en fait, on a lancé l'émission. On savait pas qu'on allait commencer. En fait, j'ai lancé le studio et c'est parti. Et derrière, on a vraiment publié alors qu'on pensait juste le garder pour nous. Un apéro normal. Un apéro normal, enregistré. Et en fait, non, ça a été publié. C'était extraordinaire. Ensuite, je sais pas, Il y avait qui? Est-ce que dans l'ordre? Bah, toi, soit Rakma, je crois. Non. Il y avait Conan et Dempazar. Conan et Dempazar. Ouais. Bah, heureusement qu'on a la mémoire vivante. Combien sont encore vivants aujourd'hui? Mais le pire, c'est qu'on a quand même réussi l'exploit d'être tous vivants, quoi, en fait. Je crois qu'il n'y a pas un seul participant de Radio Choupe qui est mort. Ouais, ouais, bah après il y a eu des morts, mais pas Radio Ch'tou, pas encore. Enfin, pourvu que ça dure. Hein, ouais, mais tout le monde a pris du poids, tout le monde a pris du poids. Non, non, non, pas moi, pas moi. Moi j'en ai perdu, pas beaucoup, mais un peu. Quand voilà, même. Pas Conan. Hein, pas Conan, hein. Conan je crois qu'il a perdu aussi. Ouais, ça a fluctué. Un truc. Alors, donc là, on avait dit la première partie, c'est vraiment l'auto-glorification. Radio Ch'tou, c'est génial. Est-ce que vous avez peut-être tous un truc qui vous a marqué dans votre premier Radio Ch'tou, votre deuxième Radio Ch'tou? On fait un tour de table, comme ça, après, on peut faire les deux tables. Et après, on fait le débat, c'est le bordel. Voilà, donc, très rapidement. On va commencer par Monsieur Fou de Foot, puisqu'il est à ma gauche. Pas de politique. Correct. Pas de politique. Moi, c'est ma première fois. C'était bien. Moi, je savais pas trop quoi faire, mais... Et alors, toi, tu as été invité par JP Darki, et il n'est pas venu, oui, hein, JP Darki m'a dit, tu dois venir, c'est vraiment très important, on aura tellement plaisir à t'avoir autour de nous, et il n'est pas venu. Et donc, je suis arrivé au studio Gigas, et je lui ai dit, bonjour, je suis invité par JP Darki, et il m'a dit... Ça tombe bien, il n'est pas là. C'est mon anecdote. Voilà. Ouais. Je crois que plusieurs personnes ont subi les mêmes affres, ouais. Le Darky Gate. Tout à fait. Voilà. C'est mon timidité. C'est ah, timidité. Bah oui, mais t'osais pas venir en fait. C'est pareil avec la mère de mes enfants. Je suis pas venu. Les deux à Radio Ch'tou. Je suis pas venu à notre premier rendez-vous. Voilà. Révélation, révélation. Book, tout à une anecdote sur Radio Ch'tou. On a fait des Radio Ch'tou chez toi en visio. Non, visio, c'est pas chez moi. On en a fait un chez moi. Ouais. Oui, on sait pas quoi. Épisode secret. Épisode secret. Épisode secret. Il est jamais sorti. Rennes Strasbourg 3-0 après 20 minutes. Extraordinaire. Du coup, on a tout annulé. Pourquoi on l'a jamais publié celui-là? Je crois qu'on l'a pas annulé. Je l'ai. J'ai le fichier. Mais on n'a jamais publié. Il y a un autre épisode qui n'a pas été publié. Ouais. Ah oui, ce Montpellier ouais, dans le enregistré car. Dans le bus, ouais, ouais. Bus. Enregistré dans le bus en 2009 avant la défaite et avant, la mort. Un drame. Hein. Avant. Juste pour ça, ça n'a pas été publié. Sinon, après, après, on aurait pu le faire, ça aurait été mieux. Ouais, c'était calme, malheureusement. C'était calme, mais je l'ai, alors je l'ai fiché. D'ailleurs, on pourrait balancer un jour un inédit de Radio Ch'tou, Montpellier 2009. Je possède ce document. Et le Radio Ch'tou de Nouvel An, on l'a jamais fait, hein, c'est ça? On avait prévu d'en faire un. C'est vrai? Ouais, j'ai oublié. Là, je sais, ça tombe bien, Nouvel An, c'est dans pas longtemps. Peut-être un Radio Ch'tou de Nouvel An, il y aura un bonus. Voilà. À tort, toi, une anecdote avant de passer. Alors, il y a les à tort files hein, qui oui, sont là. Il y a de la couleur. Il y en a la pipe. J'ai plein de documents. Mais c'est pour la deuxième partie. C'est pour l'analyse. Ah. Moi, j'ai la liste des pizzas. Si c'est un moment. Si vous voulez qu'on en parle. Non, non, c'est du rouge. C'est pas réglé ça. Non, on commande que après. Surveille. Ah non, c'est pas réglé. J'ai une envie. Bah du coup, je peux parler de mon premier Radio Ch'tou. Ah bah voilà. C'est un moment très émouvant parce que j'ai rencontré mon idole. J'ai une idole de jeunesse, hein, qui est Conan. Qui est Conan. Ah. Et c'est pas celui où t'as ramené la bouteille de schnapps, de... Il y en a eu d'autres. Mais c'était en mai 2009, hein, avant le drame, justement. En mars 2009, pardon. D'accord, oui, sachant que la première émission était en décembre 2008. Non, un collier. Ah oui, en 2008. Le drame, c'est le 18e saison, on triche un petit peu, mais... Ouais. 17 ans, 18e saison. On est perles illégales, ça va. On peut être recruté par beaucoup. Voilà, et donc tu as rencontré... Non, non, non. Oui, on avait changé de catégorie. Attention. Attention, le... Roulien de Maine. Et donc tu as rencontré ton idole, Conan. Conan, mon idole de l'époque. Mon idole, toujours mon modèle de vie. Voilà. Grosse émotion. Qui est Conan, pour les jeunes qui peut-être écoutent et ne connaissent pas Conan? Une légende. Une légende. Légende du Ch'tou, légende du Racing, légende aussi des films des années 80. Une légende mythique. Ouais. Ouais, il connaît quelques trucs quand même. Ça serait vraiment bien si on arrivait à avoir Conan, s'il pouvait débarquer tel le Père Noël. Peut-être sera-t-il présent. On ne sait pas. Il est présent dans mon cœur. Alors on passe à Fred. Alors Fred, tout le monde veut que tu nous refasses cette anecdote qui a marqué ta première émission. Genre Rachman m'en parlait hier encore. Ah ouais, qu'est-ce qui a marqué ta première émission Première et seule émission. Non, il a fait deux. Il était présent ici. J'en ai fait deux. Alors moi, c'est pas cette anecdote. Vous allez me reparler des mamelles de la femme à la cour. Mais Moi, je n'ai pas du tout pensé à ça en souvenir. Moi, je me rappelle, c'est, ça s'est passé à ton travail et tu avais un super fauteuil à roulettes. Et moi, j'aimais bien et je voulais le récupérer pour chez moi après. Alors, c'était chez Philippe, mais Studio Platon. Donc voilà, moi c'était ça, c'est ça que j'aimais bien. Est-ce que tu l'as récupéré ? Non, j'ai pas récupéré, non. J'étais propre. On peut appeler Philippe en direct. C'est pas sûr qu'il est proche. Voilà. Pas sûr qu'il ait encore son fauteuil. Mais voilà, donc c'était un endroit, je pense, j'ai fait qu'un seul Radio Stu. Non, on a fait, on a fait au moins une saison, une saison complète. Et moi j'en ai fait qu'un là-bas aussi. Une saison Jalin ? La meilleure. C'était une vieille saison. J'étais pas si gros et c'était pas mal. Il y en était une. Par contre, c'était quand même le plus indiscipliné des radio stoulistes. J'ai jamais vu un mec pareil. T'as dû parler pendant. C'était génial. T'as foutu un bordel. L'esprit radio stou. Un peu comme toi, toi. Ouais, mais mieux, beaucoup mieux. Franchement, c'était. Moi, je suis quelqu'un de naturel, des fois. Ouais. Ah ouais, carrément. C'était détendu. De... Ah, alors, ça, s'il y a un truc qu'on peut dire, c'est que tu es naturel. Ah, c'est clair, il y a aucun souci avec ça. Ça te définit. Il y a aucun souci avec ça. Bon. Voilà, bah. Mais je pense que, sans déconner, le radio chou avec Pépito, c'était le. Je suis jamais autant marré, pissé dessus que. Franchement, mais tu m'as fait rigoler. Voilà les effets que je fais. Tu m'as fait rigoler, mais comme c'est pas permis, franchement, c'était énorme. Voilà. Est-ce que, Roulian, tu t'es aussi pissé dessus à Radio Chou? Grâce à Radio Chou, j'ai fait une découverte. La découverte d'une vie. Quelque chose qui n'arrive pas deux fois. Une rencontre. Une rencontre, un truc où c'était l'amour fou. C'est évidemment les cacahuètes au Tom Yam. officiel de Radio Chou. C'est voilà, les cacahuètes. C'est l'amour fou depuis. C'est très compliqué. Je fais appel à mon dealer du sud d'Alsace pour m'en ramener parce que il y a cacahuètes au Tom Yam et cacahuètes au Tom Yam. Il n'y a que c'est pas seul. Celle de la COP, c'est quand même c'est les meilleures. Voilà. Donc moi, Radio Chou égale. Et elles auraient dû être là ce soir, ouais, malheureusement, incident technique. Ah oui, bah je les ai oubliées. Comme la bouteille de vin, comme tout. Et d'ailleurs, c'est quoi vos meilleurs souvenirs gastronomiques de Radio Stouff? Excellente question, parlons les cacahuètes. Ah, moi, j'aime bien les pâtés. Les pâtés. Alors, les très pâtés, c'est vrai qu'encore ce soir, il y a eu pas mal de. Pâtés de canard, ce genre de choses. Moi, j'aime bien les trucs périmés, on a un petit coup derrière. c'est très sympa. Tu fais toujours le gâteau à la banane avec les peaux de banane? Non, ça, aussi, j'en ai fait que deux fois. Mais ah, deux fois. Bien. Comme Radio Chou. Smarties laxatifs. C'est vrai qu'il y a, les. Alors là, on a retrouvé quand même, avec le retour d'Ator, il y a les petits saucissons savoyards. Et les apéricubes. Et les apéricubes, des trucs que Ator ne ramène. J'ai vu le caca. Avec Kittel, on a quand même pas mal de variétés de choses de son fournisseur officiel. Ah, t'es pris au boulot ? Voilà. Et la découverte d'aujourd'hui, c'est quand même les chips gouffe à la fête. Et Yakitori. Et Yakitori, j'ai pas goûté Yakitori. Non, pas les chips, il y a Rakma, il va y aller. Il y a les tomates. On a le droit aujourd'hui, Les bruits de mastication. Bah ça, les bruits comment dire, externes de Radio Chou, c'est presque plus intéressant que les discussions. Quoi. C'est l'ADN de l'émission. Voilà. J'espère qu'on t'entend. Mais alors, c'est vrai que l'avantage est que. Peut-être que je vais laisser ma place à. Ah oui, on peut commencer à switcher. Comme ça, on fait un tour sans fin. Je vais prendre monsieur l'arbitre. Voilà, il y a un espace lounge ce soir avec les. Voilà, mais on continue. JP Darky, donc on parle de gastronome en culotte courte. Tout à fait. Prématuré. Alors, tu nous demandes quoi, mon meilleur souvenir? Ouais, on une anecdote. Eh ben, mon meilleur souvenir, je suis en train de manger des tomates bio. J'ai des tomates cerises bio au moment où je vous parle. Et mon meilleur souvenir, c'est la première où j'étais invité chez Rakma. Chez lui. Chez Rakma. Rue du Faubourg National, à l'époque, si je peux vous dire. Non, mais on va dire ça à la radio. On peut donner l'adresse s'il a déménagé. Et ce que je voudrais dire surtout, avec vraiment la sincérité qui me caractérise. Et la solennité. C'est que ce soir-là, j'ai rencontré de belles personnes. Ouais, j'étais pas là. Et c'était vraiment surtout ça qui était. Moi, j'étais là. Il y avait qui? Tu veux dire au pied de la prison. Alors, il y avait qui? Aucun souvenir. C'était pour dire une connerie. Et il y a aussi eu un Radio Stoub au fin fond du Haut-Rhin, dans des conditions très hostiles. Exact. On avait fait un déplacement. Ouais. Vous avez eu Radio Stoub Carfritz. On avait fait on parlait de souvenirs gustatifs, gastronomiques. Je voulais parler des spaghettis bolognaises. De Madame Barthi. Voilà. Ouais. On avait fait une caisse baston avec Hathor et je sais pas. il y avait qui, je sais plus qui d'autre. Paolo, non, je pense. Peut-être non, Slade. Il y avait Slade. Non, Slade. Slade. On pense, on pense à lui. Hein. Pense petit ange, petit trop vite. Hein, Ah, je l'ai vu il y a 10 jours. Ah, il est pas mort. Non. Rue des Orfèvres. Donc c'est aussi très bon souvenir, ce Radio Stoop délocalisé dans le sud. Ouais. Bah, bon, pour moi aussi. Voilà. Mais il y avait du budget à l'époque, hein, ça, c'est, ouais, ça faut se dire. Aujourd'hui, c'est. Pour payer l'essence. Il y avait du budget, des stades. Peut-être qu'il y avait. Peut-être aussi. Mais qui est originaire de là-bas. Ouais. Il est du pas domicile. Et parce que son père vit là-bas. Correspondant des DNA. Ah oui. Et qui écrivait pour le Stoub. Je pense. Caniber 60. Caniber 60. Ah, c'est l'hiver. Ouais, vraiment. Parce que j'aime beaucoup les choses reviennent à moi. dans les anecdotes, le père de Calcio, qui était l'instit de Jean-Marc Darky au CP. Ça tombe bien parce que c'est Jean-Luc Darky qui est là. Et tu vas nous. Alors, quel est ton instit de CP préféré? Oh, Federer, merci, c'est ça. C'est Napoli à gagner. Quel est alors ton instit de CP? Parce que ton père a eu Roland Ries, ton frère a eu Caliber 67. Quel était ton instit de CP? J'en ai aucun souvenir. Mais... Bon, il faut savoir que Jean-Luc a été élevé par des loups dans une forêt. C'est l'enfant spécial de la famille. C'est le loup Intermarché. Non, aucun souvenir. Bah, alors, mais tu es venu plusieurs fois à Radio Stoub, hein, bon, forcément, comment ça s'appelle, là, quand tu payes pour que tes enfants... c'est du népotisme. Du népotisme, voilà. C'est un népo-baby. Mais il a réussi à faire son trou, et maintenant il est responsable bière. C'est le médicaleur de Radio Stoub. Surtout maintenant, il se permet de pas être d'accord avec moi. Allez, vas-y. Et donc, du coup, Luc, ton anecdote sur Radio Stoub. C'est un peu lié à la famille, c'est la première fois que je suis à Radio Stoub, c'est la première fois que mon père me parlait. Donc c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Bravo, merci Radio Stoub. Et ça fait que nous étions aussi canadiens. Merci à tous. Alors, si vous avez des problèmes avec vos enfants, n'hésitez pas à venir à Radio Stoub. Alors, on continue le cercle et c'est magique. À ma gauche, toujours. Hein. Puisque là, c'est la droite. Là, c'est la gauche. Pour les téléspectateurs, c'est visuel. C'est la gauche moderne. Kittel. Tu sais que Kittel de dos, on dirait Ross de dos. Oh, en plus grand. Quand je suis assis, ouais. Assis, bien sûr. Hein. Ross, genre, quitte l'assis, possible. On dirait Ross debout de dos, c'est ça. Ouais, je me suis tourné, j'ai cru, putain, Ross, il est Ross en face. Ah, il est tapé. Je me suis tourné, j'ai vu, c'est qui tourne, en fait. Attends, j'ai envie. Non, moi, j'ai un souvenir de pizza qu'on avait pris à l'Oro di Napoli. Ah, un jour. Et là, on aura aussi une tentative de remake avec des bonnes pizzas qui nous attendent. Ah bah on est en train de les faire. Mais ouais, sur les Geno bizarres. Bonne, on sait pas. Bonne, c'est un peu un test quand même. Ouais. Non, je suis déjà allé, moi, c'est bon. Ok, ouais, bah on va déguster alors. Alors, bien sûr, avec notre sponsor pizza, chute, pas de marque. Kittel, on va être obligé quand même, tu es ta spécialité avec Calcio qui n'est pas présent parce qu'il a des obligations. A priori, il est avec le club, voilà. C'est des choses. Tu es l'imitateur de Radio Show, mais tu as quelques personnages que tu fais. Et lequel voudrais-tu faire pour cette spéciale? Jacques Chirac. Jean-Luc! Je suis là pour cette soirée exceptionnelle avec une fantastique foulée de grands chroniqueurs autour de moi. Merci! Merci! Merci! Ouais! Ça brille là? C'était une superbe imitation de Arnaud Zimonski. Ou de Talry. De Talry. Oui, Talry qui a remplacé. Ah, c'est Talry. C'est ce qu'on m'a dit, c'est Talry qui a remplacé Jean-Luc. Beaucoup de gens qui étaient pleins. De quoi? De Jean-Luc. Non, j'étais là pourtant. Franchement, j'aurais pu. T'imagines, t'aurais fait semblant d'être officier, ça aurait été énorme. Mais moi, j'avais pas compris. Mais c'est vrai qu'après, il était un peu fade par rapport à. Bah, il a pizza, mais ça manquait de picot. Il était différent. Mais il s'est articulé. Ouais. La sono a retrouvé un peu son audibilité. Du coup, le tour. Ah, vas-y, tu parles. Non, vas-y. Ouais. Le grand tour magique. On ouvre. Après tout. On ouvre à la table de. Non, parce que le tour magique continue et Rachmaninoff est là. Ah, mais oui, on a fait des chants. Tu as été le grand MC aussi de cette émission, vénéré par les générations. Moins longtemps que toi, hein. Mais c'est parce que personne ne veut le faire à ma place maintenant, c'est surtout ça. Hein. Bah ouais, écoute, moi les souvenirs, c'était parce qu'à l'époque, je faisais aussi la mise en ligne et j'avais toujours peur. Enfin, ma hantise, c'était de devoir faire de l'édition. S'il y a des saloperies qui étaient proférées. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé l'une ou l'autre fois, et du coup, voilà, c'était. Donc j'espère que. Je veux pas te patouper. Bon exemple, vas-y. Ah, bah, sources, parce voilà, que là, y avait parfois des, j'ai jamais entendu aucune saloperie. Parfois, des, show, parfois hein. des jurons qui échappaient à leurs auteurs. Mais... Ah bon? Ah oh, putain, j'y crois pas. C'est vrai qu'au début, Chris nous demandait de supprimer les gros mots et les, un peu les insultes. Maintenant, il s'en fout. C'était sur Dali, hein. Oui, aussi. Il y a Claude Leroy qui s'en est pris une bonne. Là, oui, mais bon. Et Claude Leroy, il insulte. Et c'est toi qui as créé le podcast. Puisque c'est toi qui avais trouvé la solution d'hébergement. T'as inventé le process. Ouais. Moi, c'est bien plus tard. Ah oui, sur Free, sur Free. Toi, c'est au départ. Mais en fait, non, mais Radio Shtoub est né à une époque où on ne parlait pas de podcast, en fait. Des pionniers. Parce que podcast, Radio Shtoub a inventé le podcast. Il y avait un article dans Zut. Exactement. Donc, il disait Radio Shtoub a inventé le podcast. Ah oui, c'est le cas en plus. On prend les royalties. On prend les royalties. Allez, je me déplace donc au salon VIP. Il reste encore du beau monde. Du beau linge. Voilà. Alors, bah, Christophe. Jean-Christophe. Quelqu'un pourra éditer. Hein, voilà, genre. On a révélé sa vraie identité. C'est Batman. Non, voilà. Qu'est-ce que je peux dire un souvenir, oui, peut-être mon premier Radio Shtoub où, effectivement, c'était à l'époque. Je crois que c'était Philippe qui m'avait convié au studio. Studio comment ? Platon. Studio Platon. Je crois qu'il y avait Paolo. Je crois. Il est là. Je crois qu'il y avait Paolo. Ça s'est rappelé. C'était très intimidant et. Première, c'était chez Platon alors. Ouais. Ouais. Wow. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit 2009, c'est ça ? Alors c'était peut-être 2010. C'était 2019. Dans Zola, ouais. C'était un jeudi, je crois. Pas dans ces Zola. Bon, bref. Voilà, que dire d'autre. On a fait une émission des 10 ans. C'était quand on était ici. Excellente anecdote. L'émission des 10 ans, il y a du coup 7 ans. Il y a 7 ans. Même endroit. Même endroit. Ouais, encore plus de monde. On a fait des interviews. Voilà. Et on n'avait pas mangé de pizza, je crois. Non. Tarse-lombée. Non. Oui, on était au resto après, au lard et crème, et là on a le droit de voler. C'était un peu mieux organisé. Non, mais il avait, toi, t'avais pris un cordon bleu. Il y avait d'autres budgets à l'époque. Ouais. Ouais. Il y avait de la thune. Hein. Ouais, c'est du Platon, le lard et crème, voilà. Et d'ailleurs, ils sont où ceux qui sont partis? C'est des pro-glucos, c'est ça? Non, ils sont là, parlons-en. Parlons-en. Non, bientôt, il nous reste encore deux souvenirs. Voilà pour mes souvenirs et d'autres à créer, évidemment, encore. Oh. Alex. Moi, je suis beaucoup plus récent dans l'histoire de Radio Shtoub parmi tous ces éminents shtoubistes. Et là, je me rappelle du premier. C'était une époque où on était tous confinés, donc ça s'appelait Visio Shtoub. Et j'avais commencé par une déclaration d'amour au meilleur joueur de l'histoire du Racing, qui d'ailleurs a décroché il y a pas longtemps, comme quoi le temps passe. Quelqu'un là. Non, un joueur vraiment qui nous a tous marqué. Guémandia. Bon, c'était Abdallah Ndour, évidemment. Ah oui. Kachou aussi, grand fan. Et... Tout le monde. On l'aime un peu. Exactement. On a fait front avec lui. Je crois, si je peux finir l'anecdote, c'était ma première vanne sur Radio Shtoub, c'était celle-là, et quitte à me faire de comme quoi la boucle est plus. Un dommage. Voilà. J'ai écouté l'émission. Voilà. Et il reste, bien sûr, Schfotim qui est arrivé en dernier, mais parce que lui, il fait partie de la classe laborieuse qui travaille. Et du coup, bah, forcément, il faut qu'il se mette dans le bain, alors que les autres picolent depuis le début de l'après-midi. Exactement. Mais bonsoir, bienvenue. Écoute, moi, mon premier Radio Shtoub, c'était, j'ai pris le tram pour aller jusqu'au terminus à Elkirch. C'était Studio Platon. C'était en décembre, il faisait froid, et il y avait une belette. Ah, c'est l'épisode de la belette. Julius, ouais, c'est vrai qu'un éminent Shtoubiste qui est maintenant exilé dans des contrées lointaines et pas reconnu par l'ONU. Voilà. Je crois que c'est aussi le jour de la main de Thierry Henry contre l'Irlande. 2009. Non, pas possible. Donc j'allais dire Rachma n'était pas là puisqu'il était au stade. Je me souviens d'un France-Irlande à ce moment-là. Ouais, mais alors c'était peut-être le jour d'après parce que moi j'étais au stade et j'étais au Radio Shtoub, donc je pouvais pas être logiquement. Ok, donc. Et oui, j'étais chez toi après pour dormir. Il y a pas d'ubiquité. 9 Saint-Georges. Il y a pas d'ubiquité de la palette. Voilà. Bon alors tu sais, à nos âges, les souvenirs peuvent être un peu flous. L'important, c'est elle était consentante, oui, non. Bon, c'est toujours un peu. L'important, c'est de mentionner la belette. C'est ça. Non, mais la belette, moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire, comment des gens peuvent mettre un animal empaillé à l'enregistrement d'un podcast. Là, tu vois, c'est. Là, c'était pour faire fuir les touristes à l'époque. C'était pour faire fuir. Ouais, c'était ça, ouais. C'était pour faire fuir les touristes. Ouais. Il y avait une histoire, il habitait genre quai des pêcheurs ou un truc dans le genre. Place du Corbeau. Ah, ouais, c'est ça l'histoire. Corbeau et la belette. en face de l'ancienne douane. C'est ça. Ouais, à peu près, ouais, exactement. Sous le pont. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, oui. Et donc, du coup, je suis resté. Voilà. Et Trottine, tu as eu une grande période chiantologue. Oui, moi, je me rappelle toute cette période-là, chiantologue, à l'époque du dépôt de bilan. C'est vrai que c'est un terme qui a été inventé à Radio School. Je me souviens très bien de Paolo qui me regarde et qui me dit « Toi qui es spécialiste de tout ce qui est chiant. » Bah, c'est vrai que c'était toujours les trucs financiers ou les... Réglementaires. Excellente transition. Excellente transition, parce que les règles. Nous allons faire le bilan du premier semestre d'activité de la filiale de Nougo. Voilà. Avant ça, il faut quand même remercier, on l'a entendu, le studio Platon, c'était bien sûr Philippe Duchtoub, qui était à l'époque genre MC, magicien, qui faisait magnifique studio. On n'a jamais eu aussi bien. Oui, parce qu'il faut quand même préciser pour les auditeurs, parce qu'on parle de studio de Platon depuis avant, mais en fait, c'était un vrai studio, c'était un truc avec des micros, avec des sièges, avec... Un super siège. Ouais, avec des roulettes. Et c'est la seule fois, la seule saison où on a eu un matériel de voilà, preuve. Je pense que c'est la saison où Radio Shtoub était au top. Ouais. Et le problème, c'est que c'était pas toujours à côté de la maison, fallait prendre le tram, fallait. Mais sinon, c'était bien. C'est bien, voilà. Alors, hop, transition, translation, c'est magnifique, hein, merci pour cette transition. Je vais orienter le micro vers Hathor. Donc là, Hathor, tu as le rapport d'activité. C'est ça. De la filiale. De Gluco, Gluco Alsace. Gluco Alsace. Sudo. Et donc là, c'est le bilan de la saison. On va parler du sportif, mais avant, quelques chiffres. Tu as compulsé quelques documents, et donc, je crois que c'est sur les joueurs qui ont été achetés, revendus, ou dis-nous en plus. Alors, moi, c'était juste un pense-bête, parce que comme je ne suis plus trop le Racing actuellement, il me fallait la liste des joueurs. Donc, les 56 contrats pro qui sont salariés au Racing, hein, donc dans la masse salariale. Donc voilà, le chiffre de 56. 56, c'est normal pour un club comme le Racing. Tout à fait, tout à fait. Allez, c'était déjà comme ça. Oui, c'est bien sûr. C'était. Oui, et ça se trouve où ce genre du coup de liste? Chez Hathor. Bah, je l'ai faite moi-même. Mais... Non, mais c'est quand tu sais qui est sous contrat du coup. Alors c'est sur le Shtoub. Et après c'est compilé aussi avec la liste des contrats pro qui sont enregistrés à la LFP sur le site de l'NFP. Tu sais si c'est pro. Mais c'est pas sur le site officiel du Racing ça. Non, bah ils se sont pas tous. Par exemple, je te parle de Ogbonna Chizurum, que personne ne connaît, hein, mais ça, pourtant qui est un joueur nigérian qui est arrivé cet été, qui a un contrat pro, qui est payé, donc qui a une charge. Emmanuel Divine, voilà, des joueurs comme ça. Rappelle-moi le nom. 56 contrats. Alors dans les 56, j'ai compté. Ça veut dire qu'on peut faire 5 équipes. Il y a que des hommes ou il y a des femmes aussi? Non, là, c'est que les hommes. Il y a des joueurs prêtés aussi, du coup. Il y a les joueurs prêtés, mais il y a les joueurs qui sont prêtés en sortant et les joueurs prêtés en entrant. Oui, c'est le survivor. J'ai aussi mis les joueurs sur lesquels on a déjà un engagement futur, comme Angelo Candido. Bien sûr, encore un Angelo. Un jeune Brésilien qui va arriver à sa majorité, qu'on a acheté 5 millions, qui n'a jamais fait un match senior. Il arrive en janvier 2027. Il aura peut-être un problème à l'aine aussi. Ouais. Mais il y a encore un autre. Yaya Diémé qui arrive là en janvier. Il y a Mohamed Zongo qui arrive en janvier 2028. Voilà, 28, donc dans 2 ans. En planifié. C'est ça, ils ont 16 ans. 16 ans, ouais. Donc voilà, c'est ma petite liste. J'avais également sorti. Tu vas nous la lire? On peut commencer, hein, si. On va faire les auditeurs. Là, je crois que les meilleurs noms ont été donnés quand même. Mohamed Zongo, Ali Bongo, tout ça. Non, mais d'ici à ce qu'il foule la pelouse de la ville. Tristan Bongo. Après, j'ai aussi sorti la liste des joueurs recrutés à Chelsea par Paul Winstanley, hein, qui est le directeur sportif de Chelsea et du Racing. Donc depuis son arrivée, il a signé 42 joueurs. Marc Keller avait dit en 2020. Ah oui, la gestion. La gestion serait purement Strasbourg. Attends, on a dit pas de Kouba. Pas de Kouba. Donc voilà. Donc après, je sais pas si ça vaut le coup, mais on est sur une centaine de joueurs sur mes fiches là. Donc 100 joueurs recrutés par Will Stanley depuis qu'il est à Blueco. À Blueco, ouais. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être un nom d'un joueur connu, d'un joueur qui a joué? Zinedine Zidane. Un joueur qui a joué. Qui a joué à Chelsea ou à Strasbourg? Ou les deux. Bah on peut faire. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas, par exemple? Est-ce que c'est une pizza? C'est ce que proposait Rakma. Pizza, est-ce joueur de Blueco ou les deux? Dans Radio Shtoub, il y a la tradition des jeux, des quiz. Là, ce serait l'occasion d'improviser un quiz. Est-ce qu'il existe ou pas? Est-ce que Thiago Alvarado existe ou pas? Est-ce que c'est un joueur du Racing? Dans un cocktail. Thiago Alvera. C'est un meuble Ikea. Alors, j'ai envie de dire que oui, parce que sinon tu ne devrais pas commencer par lui. Eh ben non, il n'existe pas. Je viens de l'inventer. C'était un piège. Thiago Alvera. Eh ben, je viens de l'inventer. Et ben, si ça se trouve, il va signer en janvier. C'est possible. Est-ce que Oussama Yacoubi existe? Oui. Oui, voilà. Trois ans. Bah oui, c'est ça, il est arrivé. Est-ce que Emmanuel Divine existe? Oui, je l'ai cité avant. C'est un Tyrese Nubissi. Oui, il est connu. Attends, là tu parles des experts aussi. Pardon. Attends, ils s'entraînent avec le groupe pro. Est-ce que Mathias. Oui, c'est vrai. Il disait qu'il aurait dû jouer, il aurait pu jouer contre Dunker. Il a failli jouer. Ouais, mais il a dit où on fait jouer les meilleurs joueurs. Il aurait pu jouer avec Dunker. Avec Silla. On fait jouer d'abord Silla. C'était la condition pour qu'il signe, qu'il s'entraîne avec les pros et qu'il soit. Parce qu'il était contacté par Manchester City, Nobis. Bah oui, mais non, ils n'ont pas voulu. Il vient là-bas. On l'a piqué à Manchester City. Est-ce que Datro Fofana existe? Non. Datro Fofana. Oui, il existe. Ah oui, c'est un joueur du Chelsea. Est-ce que c'est un concours de prénoms là que tu me fais? Ah non, mais c'est des vrais joueurs. Je suis désolé. Il y a un prénom que j'ai retenu. Il n'y a pas un nom du calendrier. Il n'y a pas un Jean, il n'y a pas un Marc, il n'y a pas un Luc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, Carcilla, tu vois. Non, mais les prénoms, c'est l'ADN du Racing. Non, mais juste aujourd'hui, c'est la Sainte David, tu vois. Est-ce qu'on a un David Kaiki? David Kaiki est déjà parti. Ah merde! Sinon, j'aurais été sur ma liste. David Itelli, tu vois, des vrais trucs. Non, mais du coup, c'est juste, je m'étais sorti la liste des joueurs, donc les 56 contrats pro. Est-ce qu'on a un total d'argent dépensé? Est-ce que ça t'arrive? Alors, pour le Racing, je l'ai pas fait. Mais pour Chelsea? Pour Winstanley, je l'ai fait. Enfin, c'est un supporter de Chelsea qui me l'a fait. On est à 1,2 milliard de livres. Ça va. Depuis novembre 2022. Est-ce que tu veux dire en ancien franc? Ouais. En français, en franc, c'est très franc lourd. 1,2 milliard. Ou en marque. Voilà. Et sur ces. En corail. En marque. Donc voilà. Et sur ces. Attends. Est-ce que tu peux citer la personne de supporter de Chelsea qui t'a donné cette liste pour que la personne, on puisse la taguer afin qu'on ait plus de 54 auditeurs? Alors, je te le dorai, je te donnerai en post-production. Merci, s'il te plaît. Donc voilà, c'est juste le bilan grand n'importe quoi. En fait, on recrute un cheptel de joueurs chaque été, chaque hiver. Les meilleurs sortent, les autres, on les jette. Et c'est le projet. Au moment où on enregistre, nous sommes fin décembre, qu'est-ce qui démarre début janvier? Mais le mercato. Ah, ça ne suffit pas, cette liste est beaucoup trop courte. Il faut rajouter encore des gens. Il faut au moins 10 joueurs de plus. Alors, d'après l'équipe. Attention. D'après l'équipe. Order. Apparemment, dans l'équipe, je lisais le jour qu'apparemment, le mercato, il n'y aurait pas beaucoup d'arrivées ou quasiment pas cet hiver. Ah oui, je l'ai vu ça aussi. Alors, j'étais un peu sceptique. Non, mais ça vient de com. Oui, voilà, mais si l'US n'a pas d'infos. Et qu'il y aurait plutôt des quelques départs, mais on va voir. J'y crois pas. Moi, j'y crois pas trop. Dégraissage. Non, c'est ce que les dirigeants ont dit à com. Mais quel dirigeant? Ah, bah. Ceux qui sont à Strasbourg. Rouillard, il dit ça. Ah, la. Moi, le sujet, j'ai envie de citer ma grand-mère. Ah, attends. La grand-mère à Strasbourg. Ouais, je suis fou. Quand ma cousine lui a avoué que son mari était gay, elle a dit. Et qu'ils avaient encore fait deux enfants, elle a dit. Oui, mais ça, c'est comme quand ils disent qu'ils vont arrêter de boire. C'est pareil. C'est ils vont refaire. Par rapport à se faire enculer, j'ai pas compris. Ouh là là, ça dérape pas. JP, pardon, on va encore éditer. Toi, tu vas arrêter les matchs, toi. J'espère que t'as des vacances pour éditer toute l'émission. Mais moi, j'ai une question pragmatique. Là. Vous pensez qu'après le mercato, le Racing va être meilleur? Ou moins bon? Évidemment que non. Et ben voilà. Et comment il peut être meilleur déjà qu'il est génial? Parce que le but d'un mercato normalement c'est d'améliorer. Là c'est la grande décive. Bon, après les mercato hivernaux c'est souvent foireux. Voilà. Enfin, là c'est pas propre au Racing. Et d'ailleurs le mercato hivernal a été inventé tardivement. C'est pas un truc qui existe depuis. Je pense que c'est. C'était Martins à l'époque. Martins c'était un des premiers. Ouais, Martins qui a inventé le mercato. Fin des années 90. Tout à fait. C'était un mercato ou c'était un Joker? Martin. Ah, non, c'était Mercato. Il y avait tous les Danois aussi. Ah oui, Peter Frank. Avec CO. Il y avait CO aussi. Et c'est où? Et le premier match était un match à Bordeaux, on a fait 3 par 4. 4-4. 4-4, pardon. C'est où on a failli mourir avec l'écharpe. On a failli mourir avec l'écharpe. Voilà. Le karting avec l'écharpe qui se perd dans la rue. Qui étrangle le Fred. Tu serais mort comme Jackie Kennedy. Exactement. Ça serait extraordinaire pour un deux chevaux. Tu veux pas le refaire? Mais il serait pas là. Oui. Ah oui, merde. Et Martin, c'est pas Jackie Kennedy? C'est pas Jackie Kennedy? Elle est morte, si elle est morte. Jackie Kins. J'ai vu sa tombe la semaine dernière. Ah, Jackie Kins! C'est Grace Kelly. J'ai une anecdote sur Jackie Kins. Ah, mais c'est Stéphanie qui conduisait. Il n'y a pas un rapport. La S Monaco. Mais justement, elle s'est pris la. Ah oui, pris le foulard. Pas sur le tabac, la mère à Stéphanie de Monaco. À l'époque de. On dit pas la mère à Stéphanie de Monaco, on dit la mère à Albert de Monaco. Bon voilà, et Martins, qui était aussi un coup génial de Claude Leroy, qui l'avait prêté à Bordeaux. Oh, il a été. Ouais, mais et il a prêté à Bordeaux, il a été champion de France, alors que nous, on était péniblement. Il était en Ligue des Champions. Oui, mais c'était. Ah, il est dur. Bon, bref, un coup de génie. Il était champion avec Auxerre, hein, Martins. Quel gros joueur, Corentin. Est-ce que c'est pas dans la Ligue des Champions de refaire un petit peu l'histoire du Racing comme. Oh, joli. Donc, du coup, on peut revenir, par contre, là, ce qui nous intéresse vraiment sur cette deuxième partie, c'est le bilan de cette première partie de saison. Est-ce que quelqu'un a envie de lancer le bilan, même si Hathor a donné tous les éléments techniques? Bah, on est toujours en course en Coupe de France. Ah, on va laisser Kittel parce qu'il ressemble à la rose de dos. Non, mais la Coupe de France, il n'y a plus que 4 matchs avant de. On a éliminé Dunkerque, gros espoir. Est-ce qu'il y a une question Minitel, là? Bien sûr qu'il y a une question Minitel. Il y a une question Minitel, stop, question Minitel. De notre seul, de notre meilleur auditeur. T'as failli dire, ouais. Et qui, là? Alors, attendez, accrochez-vous bien. Notre meilleur auditeur, Rose 3. Qui aurait dû être là. Ah, oui, c'est vrai, c'est bizarre, ça, voilà. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu préfères le saucisson ou les cacahuètes au tom yam? Non, mais merci. Hein. merci. Donc, sur Twitter, sur X, il est connu sous @nicox. X. NicoxXX, il nous demande si on préfère, accrochez-vous bien, est-ce que tu préfères gagner la Coupe de France ou perdre en finale de la Conference League? Retiens-toi, chacun son tour. Alors, c'est quoi la question? Je recommence. C'est la question, Stéphanie de Molle. Répite-toi avec moi, avec moi. Est-ce que tu préfères gagner, alors quand je dis gagner la Coupe de France, c'est-à-dire que le Racing Club de Strasbourg-Alsace, bon, gagne la Coupe de France, j'ai fait exprès. Ou qu'il perde en finale de Conférence Ligue. Bon, c'est mieux de gagner la Coupe de France. Je sais pas, j'ai pas d'avis. Merci Pépito. C'est bien la peine de nous faire un bon. Est-ce que quelqu'un a un avis à part à toi? Moi j'ai un avis, mais. Vas-y, Paolo. Perdre la finale parce que aller en finale de Coupe d'Europe, c'est quand même. Et puis après, tu peux toujours gagner sur le tapis vert parce que les mecs, ils ont aligné un Hongrois qui n'était pas qualifié ou je sais pas quoi là. Ça peut être nous, ça. Alors, on va pas forcément jouer le PSG. Hein. Laszlo Fournier. Cela dit, tu peux le perdre sur tapis vert. Oui. Gagner en vrai, tu perds sur tapis vert. Ça, c'est classe. Ça, c'est... Ou alors, après, t'as non attribué comme quand Marseille a gagné. Ouais, ouais, ou la Juve. L'ensemble de la Juve. Même ce qu'on peut faire, c'est perdre sur le terrain et sur tapis vert. Alors là, les deux. Ça s'appelle Strasbourg. Non, Strasbourg-Metz. On a perdu sur le terrain. On a gagné finalement. On a gagné après, oui. On a gagné. À cause du faux passeport de Mondragon. Alors que nous-mêmes, les faux passeports, enfin bref. Il avait un grand-père italien, Garay. C'est à cause de tous les arbres. Est-ce que quelqu'un préfère du coup? Ah, mais moi j'avais mon avis que bah oui, c'est bon. Bah, là tout le monde sait que de toute façon on va aller ni en finale de la Coupe de France, aucune des deux. Mon avis sur ce début de saison, j'en suis extrêmement satisfait car c'est exactement ce qu'on s'attendait à faire. Nous sommes 7e comme l'année dernière. On a dépensé plein de thunes pour revenir au point de départ. C'est comme quand tu te perds, tu prends ton GPS, tu arrives exactement au point de départ. Et ben c'est exactement. Et on pouvait pas espérer mieux, comme démonstration pour l'absurde, que mettre du pognon à foison sans réfléchir, ça sert à rien. Oh. C'est absolument parfait. D'autant que, et là c'est incroyable, je compulsais des documents relatifs au Radio Stoup de ces 8 dernières années récemment, et nous sommes 7e. En 2021, lorsque Marc Heller accueillit, et nous-mêmes aussi, Julien Stéphan, au Racing, Julien Stéphan, qui je vous le rappelle, je ne sais plus où on en est sur les passés simples, terminu 6e, qui était exceptionnel. C'était un jeudi aussi. Ouais, exact. La conférence de presse de Marc Heller est extraordinaire. Non, je vais pas parler de Patrick. Je te vois venir. Je te vois venir. Non, non, ça, on ne parlerait pas de Patrick. Ça, c'est moche. Ça peut éditer. Ouais. Même moi, j'ai des extraits que je rajouterai, si vous voulez, à la fin de l'émission en document relou. Où Marc Heller dit oui, Loré, c'est bien, gros, super. Il a fait la mission maintien, nanani, nanana. Mais maintenant, nous allons passer un cap, car nous devons briser un plafond de verre. Et je pense qu'avec Julien Stéphane, nous pourrons le faire. Sixième, c'était à ta main. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Septième. Ouais, voilà. Mais c'est plus, mais parce qu'on a plus en verre. Il est en or massif. Mais non, mais pour dire, c'est le même discours à chaque fois. Ouais, un bon même entraîneur. Marc Heller tient le même discours à chaque fois. On parlait du commissaire Bialès, avec Marc Heller. Donc voilà. Et c'est une anecdote exceptionnelle. J'attendais un peu plus. De Renover à chaque moment. Turnover. Oui, oui. Alors, bien sûr, à n'importe quel moment, les exclus, les gens du loft, vont faire intégrer le. Alors, s'il y a des gens qui veulent sur le studio numéro 1 aller pisser, comme on dit, hein. Eh bien, ou travailler, Fred, je sais pas à quelle heure tu travailles. Non, je travaille dans 3 minutes avant. Ah. Voilà, en tout cas. Pas ça il y a les chaises musicales. Ah oui, c'est la pause de toilette. Alors, radio. Non, c'est les chaises musicales. Un mot qui est très radiogénique. Ouais, tout à fait. Là, il faut meubler. Là, il faut faire de l'audio description. Alors que nous avons Tim qui porte une veste en astrakhan. Très bel effet. La casaque jaune de notre partenaire, chut, pas de marque. Tout à fait. Et Ouda, viens à table, s'il te plaît. Vêtu uniquement profilé en latex. Voilà, parce que là, on rajoute de l'expertise. C'est un peu le mercato hivernal. Mais en mieux, parce que là, on a rajouté. Déjà, on a perdu du poids. Juste pour aussi, je reste pour les questions, c'est ça? Non. Ah putain, j'avais pas goûté les chips falafel. L'édition. Il y a des chips. Alors, chips yakitori, mais n'oublie pas que tu es sous le contrôle de Rachmaninoff, qui est la police du chips, hein. Toujours. Non, c'est marrant parce que les chips falafel, ils ont le goût de falafel. Ouais. C'est marrant. On a rien. Ils sont bons. On a rien. Alors que les chips yakitori, non. Du tout même le début. Mais tu sais qu'il y a un peu un phénomène culturel sur Bretz, hein. Il y a des mecs et tout qui collectionnent par internet market. La baguette. Mais ça sent n'importe quoi. Oui, bon. On est quand même vachement meilleur que l'équipe d'avant. Bah, évidemment. Donc on est toujours sur cette première partie. C'est aussi ce que dit Aimé. On est toujours sur Radio Shtoub. Merci d'être à l'écoute. C'est tout. Donc du coup, on est toujours sur cette première partie de saison. Est-ce que Aimé, justement, j'entendais parler, n'est pas le personnage de cette première partie de saison? L'incarnation du bon et du mauvais côté du Racing. Le diable. Et le diable. Moi, je pense que dans la série, c'est surtout le truand, moi, je pense. Alors, qui fait le bon? Qui fait le bon? La Yam. Tout le monde est bon, tout le monde est bon. Alors, qui ouvre la porte? Pour le coup, Liam, c'est vraiment la brute. Allez, attention, pas de... Hein, parce qu'on pourrait aller plus loin. Donc, Emega, est-ce que Emega n'a pas marqué cette première partie de saison par son absence et par ses frasques? Bah... C'est un personnage assez ambivalent, tu vois. Il y a le parallèle qui avait été dressé par Dokin avec des mecs style Nouma. Zlatan, j'en parle même pas. Il y a le côté fantasque, il y a le côté boulard, il y a le côté un peu excessif qui pourrait faire un personnage, mais il manque un truc, tu vois. Les capacités au foot. Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, tu vois, genre, Nouma, il avait une forme de vulnérabilité, c'est-à-dire que le mec était un affectif, il pouvait péter les plombs sur des conneries. Un écorché vif. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il montrait ce qui le touchait. Alors que Emega, t'as cette espèce de truc assez. Personnage, en fait. Le problème, c'est du Ardoel Brassard déjà. Ouais, c'est que après voilà, moi après je suis comme pour le pardon, je sais qu'il y a des supporters, c'est plus possible, c'est voilà, moi je mais tu donnes pas, tu donnes pas le brassard, hein, mais comme ça, enfin moi déjà l'été dernier quand j'ai appris qu'il y avait le brassard, j'étais un peu sceptique. Est-ce que tu aurais donné le brassard à Pascal Nouma aussi à l'époque? Non. Bah non. Est-ce que tu donnes le brassard à quelqu'un qui va partir? Parce que bah c'est la règle. À la limite, ça cite le brassard. Ça, ils sont en train de partir. À peine arrivés, ils sont déjà partis. Mais par exemple, je trouve ça beaucoup plus cohérent que ce soit ça. Mais tu donnes le brassard à quelqu'un qui est pas stable. Sachant qu'il est quand même prêté par Chelsea, c'est aussi un peu gênant. Mais non, mais ça, c'est gênant. C'était gênant aussi pour Santos, ce soir. Mais alors après, ça a l'air d'être un mec plus posé. Ça, moi juste, peu importe le contrat, c'est il faut quelqu'un qui soit un peu. Enfin, et Méga, il a un côté, il se frite souvent avec Balerdi et compagnie. Enfin, là, il est tout le temps en train de chercher un peu l'embrouille. Je suis pas sûr que ça soit les qualités premières d'un capitaine. Bah, simuler aussi pas mal. Oui, voilà. C'est... Mais tout le monde simule. Alors, ouais, moi, c'est vrai que ça simule beaucoup. Après, ce qui est très marqué chez Méga et qu'on n'a jamais vu auparavant chez un joueur du Racing, on n'a jamais vu un joueur du Racing qui avait autant un agenda personnel en fait. C'est-à-dire que le type est dans sa propre narration, de sa propre histoire. De sa carrière internationale. De sa carrière internationale, de je chie mon cake parce que je veux être en sélection des Pays-Bas, etc. De je me mets en scène constamment et tout tourne autour de lui, en fait. Et je pense que, alors, c'est déjà arrivé dans d'autres clubs, mais nous, on n'a jamais eu un gars comme ça où ça tourne. Le Kylian Mbappé. Enfin, si je voulais faire une provocation, je dirais que la dernière personne où tout a tourné autour de lui, c'était Gilbert Grasse. Ouais, mais ça marche. Enfin. On l'a dit tout à l'heure, un peu en train de rentrer. Là, on va tout de suite remettre. J'ai essayé d'enchaîner, mais. Avant que ça intervienne pour les jeunes, vous allez. Pour les jeunes, alors attention, on va faire. Non, on va d'abord, aller... il faut que Paolo réponde. Et je dis... Non, parce qu'il y avait aussi Alex. Oui, mais vous allez assister à un fondamental de Racing. La minute. C'est un fondamental. Voilà, on te garde au frigo. Deux secondes. C'est JP d'Arcabar. On va remettre les choses en place sur Gilbert Grasse. Vas-y. Quelle indignité. Non, mais moi, je dis juste une chose. Si les gens, ils veulent pas gagner de titre de champion de France, ils aiment pas Gilbert Grasse, hein, voilà. Avec des Alsaciens, en plus, voilà. Sans Glouco. Bon, bah, ok. Donc, l'église est remis au milieu du village. Est-ce qu'on fait la question Mittal ou est-ce qu'on fait Alexco? Je pense d'abord Alexco et après la question. Oui, bah, c'était pour conclure sur Méga parce qu'on l'a dit. C'est jamais conclu. Bon, pour continuer alors sur la meilleure, non mais parce qu'on le disait à moitié en rigolant tout à l'heure, il lui manque un truc, c'est de jouer au foot. Alors c'est un peu gros et c'est forcément. Vrai. Non mais voilà, il a ses qualités, ses défauts, mais il y a quand même. Enfin, ce truc de trash talk, un peu grande gueule, on l'a comparé à Zlatan, même Jordan qui chambrait, du coup, voilà. Il y a quand même un point central chez tous ces mecs-là, c'est que sportivement derrière les mecs ils assuraient quoi. Et Méga, est-ce qu'il assure? Il y a un autre point. Et est-ce qu'il assure? Bah, je sais pas, c'est à moitié vrai quoi. Enfin, je veux dire. Mais c'est fondamental ce que dit Alex. Ça, c'est un problème de l'époque à la démonie. C'est que. Ah, les bras m'en tombent! Excusez-moi. Elle est là, à son TikTok. Je tombe de ma chaise, la génération TikTok. Merci Pascal Pro. C'est les apparences avant les résultats. Évidemment, voilà. Quand tu as le talent d'un Zlatan Ibrahimovic ou Michael Jordan, tu as d'abord le talent et après, du coup, comme tu as le talent, tu peux écraser les autres dans leur médiocrité. Michel. Pas de problème avec ça. Et c'est pas parce qu'ils le font que c'est bien en plus même. Enfin, non, mais au moins ils sont bons. Mais ils sont pas bons parce qu'ils font ça. C'est l'inverse. C'est ça. Ils font ça. Ils sont bons, et du coup ils se permettent de faire ça. Et Méga il se dit, ah mais Zlatan, il a confiance en lui, du coup. Bah non, mais il est. Il a besoin de ça. Il a besoin qu'on le regarde. Il a besoin d'être, comme tu l'as dit, il a un agenda et il a besoin de ça. Il veut qu'on l'insulte et qu'après. Ah bah voilà! Il y a des clubs privés pour ça. Mais c'est ce que je pense. Alors attention, alors j'ai deux choses. J'ai une question Mittal et j'ai une info de première valeur qui vient de tomber. Bah alors moi j'y vais sur l'info de première valeur. Ouais. C'est juste une info que j'ai tenue d'un journaliste. Alors je ne vais pas révéler ma source. La raison de la suspension d'Emilia, en fait, c'est après le match contre Brest, il a balancé une bouteille d'eau sur Rosenior dans le vestiaire. Intentionnellement ou il a shooté dedans? Intentionnellement. Oh. Voilà. Une bouteille de bière, j'aurais dit pourquoi pas. Le drama de Keller sur l'Alsace. C'est en fait allemand. C'est de la pipe. Oh, putain, c'est de la pipe. Quoi? Mais il y a vraiment des gens qui ont cru que Marc Keller en 2012 il était là pour sauver le club. Ah voilà. Ah, ah, bon. Alors. Alors ceci avant, est un avant, deuxième avant, donc il y a une question, il y a une question militaire, et après on va bientôt il y a la surprise. Ah d'accord. Ah, j'ai deux choses. Ah, d'abord une question. Il faut préparer la surprise. D'abord j'ai une question à Thor. Il faut préparer la surprise. Mais du coup t'as des bonnes relations avec Cobb de l'équipe visiblement. Ma deuxième question est. Il est au courant mais il le dit pas. Voilà. De Ross, toujours le même. C'est le seul qui nous a posé une question. Bravo à lui. Et du coup t'as répondu. Puisque sa question c'était, Emega, à quoi était due sa suspension? Ah bah, c'est génial, on a répondu avant d'avoir vu la question Nickel que vous avez posée hier. C'est parce qu'il a parlé d'eau à Radio Shtoub. La question Carola. Voilà, c'était tout, hein. Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour la surprise? Alors, on peut parler encore un peu du truc, et la surprise arrive, je coupe du saucisson. Ça, c'est aussi un fondamental. C'est important. Bah, est-ce que c'est pour ça que Liam Rosenior est un peu sur les nerfs, depuis deux mois, là? Est-ce qu'il est sur les nerfs parce qu'il a pris une bouteille d'eau, ou est-ce que c'est le fait qu'il soit sur les nerfs qui lui a fait prendre une bouteille d'eau? Ah. Il s'est dit, je vais t'hydrater un peu. Ouais, mais je voudrais pas rater Colin, là, j'ai appelé maman. Est-ce que non mais après c'est à partir du moment où tu laisses la bride sur le cou à des mecs comme ça, faut pas s'étonner d'en avoir des excès pareils. Je veux dire c'est une loi basique. Alors sans tout bien sûr. Et Jérôme Bonaldi. Mais alors est-ce moi j'aime bien toujours dire cette phrase, je l'ai mis souvent sur le chtou. Est-ce que Emega ne brille pas souvent par son absence? En fait il est jamais aussi bon que quand il ne joue pas et que les autres sont nuls en fait. Non mais après alors, on dit pour rigoler, on dit il est nul. Enfin, il est pas nul. Non mais moi je l'ai encore en tête de sa première année. Hein. Oui, non, la première année, mais il était dégueulasse. Mais l'an dernier, il a pas. Il est nul à chier. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Le mec, il fait des contrôles de 12 mètres. Techniquement, c'est l'avant-centre le plus mauvais qu'on ait eu depuis très longtemps. Il met des buts. Regardez les buts de la saison dernière. Regardez les 14 buts. Regardez exactement les 14 buts. Les 5,50 mètres, il pousse le ballon dans le but vide. Il met aucun but. Le nombre de passes à passe qu'il a ramené. Nul à chier. J'ai une question. Nul à chier. Je dis quelle heure pour la pizzeria? 21h? Ouais, 21h. Ok. Ah. Alors, là, vous êtes tombé sur les coulisses de Radio Shtoub. Hein, Le back-end. Est-ce que la surprise est en route? Alors, la surprise va sans doute. On l'appelle en PCV, là. Voilà. Allô, Caracas. Oui, c'est Adolfo Rami. Arrête, tu connais. Mais tranquillement, là. On appelle Emmanuel Emega, c'est ça que je voulais expliquer. Alors, on a un invité ce soir, effectivement. Est-ce que c'est Emega? Voilà. Alors, c'est le pasteur des Emega qui nous appelle. Ça tente. Ouais, allô? Ah! Écoute, Emmanuel Emega, merci. Oui, de rien. Alors, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Conan. Tu es en duplex live différé du podcast de Radio Shtoub. Il y a énormément c'est de monde. Mythique. Les historiques sont là. Rien que pour te dire, il y a quand même Pepito qui est là. Ok. Voilà. Et il ne manquait qu'une seule personne pour que la fête soit belle. C'est quand même c'est toi, hein, genre, c'est le moment émotion. Ouais. C'est gentil, hein. C'est gentil. Et donc, du coup, on s'est tous remémoré une anecdote de Radio Shtoub. Est-ce que tu en as une, Frédéric? J'ai rien préparé, hein, moi je. Alors, c'est l'esprit Radio Shtoub, rappelle-toi, on ne prépare jamais rien, à part les bières et le saucisson. Ok. Donc tout le monde est bourré, j'imagine. Je n'irai pas jusque-là, mais pas loin. Ouais, pas loin, ok. Voilà, tu me prends au pied levé, là, moi. Alors, Hathor a dit que tu étais son modèle à l'époque. Mon idole. Son idole. Que j'étais quoi? Son idole. Ah bon, ok. j'espère que ça s'est arrangé pour lui, hein. Donc, anecdote ou pas? Bah comme ça me vient pas. Et alors sinon tu peux commenter la première partie de saison du Racing si tu veux. Ah comme ça lui vient pas non plus. La première émission. Ah ouais, ça me vient pas non plus. Non mais une anecdote. Il y en a tellement, hein. Après on a tellement fait de conneries, hein, sur Radio Shtoub. Je me rappelle quand Philou nous faisait des knacks et du vin chaud, hein, c'était intéressant. Bon, c'est vrai qu'après on était souvent dans des états éthiques assez avancés, hein, faut bien le dire. Donc la mémoire s'efface un peu. Voilà. Mais l'esprit est toujours respecté, hein, je te rassure, on essaye de maintenir cet esprit festif et analytique. J'entendais ça, que tout le monde était à poil, là j'ai cru comprendre. Ouais, voilà. Okay. D'accord. Ouais, non, je sais qu'une fois... Attends, on avait fait quoi? On a tellement fait de conneries. Moi, je me rappelle, tu vois, c'est ce qu'on faisait. En fait, on faisait beaucoup de bruit. On faisait exprès d'ouvrir des bières, de jeter des clés dans les seaux de cacahuètes, de faire des conneries comme ça pour faire des effets un peu spéciaux. Voilà. Ouais, c'était assez intéressant, quoi. Ça n'a pas changé. Voilà. Ça n'a pas changé. Et alors, on parle de seaux de merde aussi. Les seaux de merde, ouais, ça, c'était intéressant aussi. Et le trou qui fume. Et les seaux de merde, en fait, ça. Non, tu nous as fait un tunnel de 10 minutes, une fois, sur le trou qui brûle. Ouais, alors, tu sais que j'ai une anecdote sur le trou qui brûle. C'est que les autorités en fait du Turkménistan, parce que ça se passe au Turkménistan, le trou qui brûle, nos éditeurs doivent se rappeler que le trou qui brûle, en fait, c'est à l'époque de l'URSS, au début des années 70, ils avaient percé une conduite de gaz. Et en fait, donc il y avait une énorme fuite de gaz, en fait, hein, qui préparait une catastrophe écologique. Et donc pour l'éradiquer, en fait, ils ont mis le feu. Et ça brûle depuis 50 ans, en fait. Et là, il y a du nouveau, c'est-à-dire depuis un an ou deux, les autorités du Turkménistan ont assez de cette plaisanterie, de cette gaudriole, et souhaitent éteindre le trou qui brûle, en fait. Et donc, les moyens sont mis en œuvre, et normalement, le trou ne brûlera plus d'ici un ou deux ans, quoi. Et ben là, on voit Radio Cube le droit de suite. 10 ans après, vous connaissez la suite du trou qui brûle. Le trou ne brûle plus, en fait. Voilà, ça me paraît assez important. Donc, si vous voulez faire du tourisme pour visiter le trou qui brûle, quoi, c'est bon. C'est une magnifique métaphore du racing, hein, je pense. Comment ? C'est une magnifique métaphore du racing, quand même. Ah ouais, le trou brûle. Celui de Keller. les trous brûlent. Ouais, bah tiens, moi je peux vous poser des questions. Quoi. Ah bah oui, vas-y. Question de l'école. J'ai des questions. Tiens, maintenant je suis tout ça au loin. Tiens, moi je suis plutôt le top 14 et la pelote basque, moi maintenant. Le tchari, hein, je sais pas si tu connais. Vous en pensez quoi de la multipropriété? Oui, bon, faudrait voir. Hein. C'est une question sérieuse parce que je trouve que c'est quand même un peu. Enfin, moi, je suis pas pour, quoi, tu vois. Ah bon? Ouais. Hein? Wait and see, non? Ouais, c'est vrai que nous, on attend pour voir. Ouais. Ça marche. Il gagne, ouais. Le stade est bien. Il y a une ambiance de feu. On attend pour voir, ouais. Pas pour boire. Ouais. Il y a une ambiance de fleurs. J'ai pas entendu, j'entends rien. Il y a une ambiance de café flore, ouais. Ah bah ouais, ça flore blond. Non, mais c'est vrai qu'on a beaucoup accusé, et tu pointes juste dans ta question, Radio Stoup, d'être partisan contre la multipropriété, et c'est faux. Quoi, partisan contre la multipropriété? Oui, voilà. Alors, on nous a accusé à tort. Ah ouais, ça s'appelle un triple lutte, là. Partisan d'être contre. Ouais, voilà, exactement. Mais effectivement, Radio Stoub, assez unanimement, la ligne éditoriale est plutôt le non, hein, le démission, comme d'habitude. Ouais, bah, de toute façon, on veut que tout le monde démissionne, hein. Ouais. Ça c'est clair, mais ouais, non, parce que c'est quand même, bah, je sais pas, moi je trouve que c'est un cancer pour le football, quoi. Là, on dépasse le cadre du Racing, mais moi c'est un truc, moi ça me met mal à l'aise, en fait. Ouais, bah, nous tous. On n'aurait pas pu dire mieux, hein, je pense, sur la multipropriété. Mal à l'aise. Mais, ouais. T'avais d'autres questions? C'est plus que mal à l'aise. Allez, ouais. Est-ce que t'avais d'autres questions? Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Pas grand-chose. Hein, mais ouais, j'avais surtout votre position là-dessus, quoi. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Donc, moi, je trouve intéressant parce que je vois passer des trucs, des pendants, des machins, des trucs comme ça. Je peux donner une réponse technique à cette question. Attention, il y a JP Darky qui est là, mais il va devoir crier parce que Conan est très très long. Alors, les deux épisodes qui nous ont ramené le plus d'auditeurs ever, d'accord, sont l'épisode de Michel Drucker Theory. Michel Drucker Theory. Oui, c'est Michel Drucker. Et This is the End, qui se connaissent aussi sous le nom de, c'est un peu les épisodes Strotting, en roue libre, défonce la multipropriété. Donc si ça peut donner une idée du... Nous, de toute façon, c'est les auditeurs avant tout, donc en vrai, on adore la multipropriété, mais on est obligé, pour plaire à nos auditeurs et pour l'audience, à détester. Mais ça nous fait mal. Hein. Oh, ça nous fait mal. D'accord, donc vous aimez, mais les auditeurs détestent. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, on suit le courant. Alors, vive les... Ah ouais, donc c'est ouais, Michel Drucker, c'est le côté Serge Lecomte, c'est ça? C'est le côté marqué. Non, c'est le côté grosse pute. C'est plus le côté grosse pute, mais sois gentil, écoute l'épisode, parce que je vais pas le refaire, quoi. J'ai pas assez bu, encore. Pour moi, tu peux le refaire. Ouais, mais faut que je boive plus parce que. Oh, le Pito! Pito s'en va! Ah! Oh! Il travaille! Oh, oh, oh. Voilà, donc... Ah bon, j'ai pas entendu là. Non mais en fait, il y a Pépito qui part parce qu'il va bosser. Et en gros, Michel Drucker, c'est genre Michel Drucker, tout le monde pense que c'est un mec bien, mais en fait, c'est un enculé. Donc, est-ce et il y a un parallèle avec un quelqu'un du Racing et on peut pas dire qui c'est. Voilà. Mais il viendrait de Balgo. Mais est-ce que traiter Michel Drucker d'enculé, c'est pas homophobe? Il y a aussi des débats sur l'homophobie. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Ah, est-ce que c'est une insulte homophobe en fait? Ouais, mais en fait, c'est le radio YouTube des 18 ans, alors on parle comme il y a 18 ans. Et sa caméra, ouais, c'est une insulte. C'est la nouvelle génération, ils sont assez sensibles de ces trucs-là. C'est pas trop la génération Z, on sait pas trop quoi leur dire, comment les prendre, tu sais. Donc, faire attention à ce qu'on dit, quoi. Et, je pense qu'il y a quand même une importante communauté LGBT également. Ah, mais c'est vrai qu'on a peut-être pas assez privilégié le public LGBT de Radio Stoub. Bien sûr. Mais comme il n'y a que Ross 3, bon. Il n'y a que Ross 3 qui nous écoute. Hein, ça, maintenant, ça a changé. C'est le dernier auditeur de Radio Stoub. Mais par fidélité pour lui, on continue les émissions. C'est ce qu'on a. Ah, d'accord. Et donc, la fameuse émission Multiverse Interstellar, machin, vous avez. Donc, c'est lui, il l'a écouté 300 fois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, le FEDER, là, les fonds pour les Vosges. En fait, on a récupéré un plan pour récupérer des fonds européens et au titre du soutien aux territoires en difficulté. Et, d'accord. Et c'est comme ça, en fait. On se finance comme ça. Ouais. Ok. Gigas a des super jantes en alliage. Ah bah ouais, j'imagine. Jantes à l'U, préparation alpinage, j'imagine. Bon, bah, en tout cas, Conan, c'était... Tu sais que j'ai une anecdote aussi. C'est que mon plus haut fait d'armes sur les réseaux sociaux, c'est quand même que j'ai eu une discussion, je parlais de tuning, avec Sylvain Durif. Mais il habite pas chez toi, lui. Ouais. Voilà, qui essayait une voiture qu'il avait tunée, hein. Il avait une série 7, un modèle qui datait du début des années 2000, 2005. Une 39, je crois. Si j'ai plus le code en tête. En fait, je vais discuter de tuning avec lui, la façon dont il avait préparé sa voiture. Ok. Et quelle jante il avait utilisée. Voilà. Bah, c'est intéressant. Oui. En tout cas, alors est-ce que tu as une anecdote, parce qu'on va te laisser vaquer à la tuningstube.com, hein, que tu gères bien sûr et que tout le monde peut visiter. D'accord. Une dernière anecdote, Conan, ouais. Et ensuite nous, bien sûr, on va conclure par un florilège d'insultes sur les joueurs de l'année. Les joueurs de l'année et Méga. on pensait beaucoup. J'ai vu qu'il avait sorti 2-3 trucs. Et Méga aussi, il avait sorti. Déjà, il a posé avec le maillot de Chelsea, quoi. Ça doit pas être apprécié, ça. Non, pas trop. On adore ça. Ouais. Comment j'ai pas entendu les réactions. Non, mais nous, on fait pas la différence. Ouais, c'est bleu. Bon, après, ça reste bleu, hein, tu me diras. Mais... Voilà, c'est ça. Tant qu'il a pas un maillot rose. Bon, il a pas pris le maillot Grenat, mais après, tu sais pourquoi il a fait ça, hein. C'est parce qu'il voulait se faire remarquer pour être sélectionné pour les Pays-Bas pour faire la Coupe du Monde. Bah, c'est la version qu'on a eue, hein. C'est l'agenda, le fameux agenda personnel que je ne sais plus qui a déclaré, c'est clair après. Et, voilà. Donc, du coup, pour toi, le joueur de l'année, ça reste Emega. Ouais, Emega, ouais, j'aime bien. Non, mais après, il y a plein de bons joueurs, hein, Racing. Ah, je t'aurais bien vu Panic Shelly, tu vois, genre, si j'avais dû. Ah, Panic, bah, ah, j'aime bien Barco, moi. Ah, ouais, oui, aussi. Hein. Côté argentin, toujours. Ouais, côté la Grinta, le côté un peu. Il est un peu mordant, ce garçon. Enfin, j'aime bien, quoi. J'aime bien le truc. J'aime bien le nouveau gardien, là, le belge, là. Si, il est toujours en dehors de ses cages. C'est marrant, en fait. Alors, bah, oui, donc, le Mike. Mike Penders, il est toujours là. Est-ce qu'il sera là à la reprise? Ça, on n'est pas sûr. Mais ouais, il est encore là jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il y a, là, il risque d'y avoir 37 mouvements, là, encore, de joueurs. On attend avec impatience, bah, parce que pour nous, hein, c'est beaucoup de, beaucoup de commentaires, beaucoup de clics, à faire. Bon, en tout cas, merci Conan, hein, je te rappelle qu'on coupe toujours la parole aux intervenants, hein, c'est l'esprit radiofique. Ce fut un honneur et un plaisir de te réavoir. Tu sais, écoute, c'est un honneur et un plaisir de me recontacter. Ouais, merci. Voilà. La prochaine fois, on fera une visio avec Ross, hein, parce que j'ai entendu que tu fais ça de temps en temps. Ouais. Et surtout quand il va aux toilettes. En l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Hein. C'est vraiment ce qu'il a fait. Par contre, Ross, il m'a donné un lien vers un super jeu. C'est un jeu où il faut deviner des joueurs de foot, c'est assez marrant en fait. Ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais il est là, il est avec vous. Non, malheureusement, il a dû retourner dans les Vosges. Vous lui en parlerez, quoi. Là, ça fait deux jours que je suis dessus, là, c'est assez marrant, quoi. C'est un peu comme, pas mal le jeu Pyramide, là, qu'il fallait deviner les mots. Patrice Laffont, Pépita. Avec Laurent Brumel qui se faisait toujours. c'est un peu ça, quoi. Tu cites un joueur et puis tu dois en trouver un autre. Et tu dois trouver le bon joueur, quoi. Ok. Pascal Pierre, Pascal Nouma, quoi. Oui. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mon ordinateur, Pierre Laigle. Et moi. Voilà. Bah, en tout cas, merci Conan. Je t'en prie. Merci à toi. Longue vie au Pays Basque et à Radio Stoub, évidemment. Bah, bien sûr, hein. Longue vie à tout le monde. Hein. Et à plus. Longue vie à Emega. Ciao. Ouais. Ciao. Ciao. Ciao. Ouais, on a absolument rien entendu, donc ça sera parfait à l'enregistrement. Ça, c'est le boulot de JP d'Arki. Non, mais si, on a entendu, je pense. On regardera. En tout cas, c'était un grand moment d'émotion. Conan participant à la première émission. Il manque que d'être Passard. Et il n'est pas là. Donc du coup on est pas mal là au niveau du timing. Les épisodes c'est de 28 minutes. Hein. 28 minutes. Ouais. Du coup je pense qu'on a 10 minutes pour conclure. Merci. Je suis là pour ça. On est encore en ligne. Ah bah évidemment. Ah oui. On est en ligne. Plus personne n'écoute. Mais si, mais évidemment que si. Une dernière question de Minitel ou on s'en va? Ah allez, avec plaisir. Alors vous voulez une question sur le recrutement ou sur Rosenio? Rosenior. On vous rappelle tous. On peut l'insulter. Que non. Nous aimerons encore, même lorsque Rosenior sera mort. Alors Rosenior, bientôt la fin. Justement. Oui. Bien sûr. C'est la question. Oui. This is the end. De Rose 3 toujours. Waouh. La question n'est pas si bête. Et bah non, c'est Rose 3. Est-ce que Rosenior, Liam Rosenior, a une date de péremption? Est-ce qu'il a un agenda personnel? Ah, excellente deuxième question, Ouda. Alors, moi personnellement, sa date de péremption, c'est l'élimination en conférence. Ah, donc en mars. Merci. Il y a des rumeurs qui envoient Maresca à Manchester City l'année prochaine. Eric Maresca? Ouais. Et dans ce cas-là, évidemment, je pense que Blouko ferait une promotion interne. Est-ce que quelqu'un pense vraiment que Rosenior pourrait prendre la promotion interne de Chelsea? Je pense que lui, il le pense très fort. C'est pour ça que sa famille est toujours au Royaume-Uni. C'est quoi la promotion interne de Chelsea? J'ai pas compris. C'est Rosenior qui débarque à la Salamandre avec une Swatch et une Smart et qui dit « je vais choper ». Ok, bah oui, bah, parce que là, Chelsea, il peut faire quoi? Il nettoie les pompes dans le vestiaire, c'est ce qu'il fait, quoi. Il peut pas faire plus, quoi. Il va jamais être entraîneur de Chelsea. Bah, je sais pas, ce serait. Bah, lui, il peut le penser. Après, ça loin, le en se rasant, il peut le penser. Ça peut être la Swatch Spin Master, et du coup, ça passe. La Moon Swatch? La Moon Swatch, ouais. Bon, en gros, c'est la fin ou pas? de Rosenio. Bah, est-ce que quelqu'un... Moi, à mon avis, il faut pas beaucoup de mauvais résultats à suivre pour que le mec dégage. Hein. Les mecs, ils sont pas d'une patience infinie. Hein. On sent la tension quand même chez Rosenio qui est montée crescendo depuis le début de saison. Ses interventions après match, à chaque fois, à reprendre les joueurs et tout. On voit que le mec, il a passé un mauvais Noël. Hein. Sa déclaration de dire les joueurs sont pas bons, s'il le faut, on en prendra d'autres. Il ne respecte pas les consignes. Mais vous comprenez ce qu'il dit ? Parce qu'au début, il avait dit qu'il parlerait français, mais moi, je comprends rien. Il parlait anglais tout le temps. Mais les gens oublient. Ah, les gens oublient, d'accord. Alors ça, pas trop, parce que même dans les DNA, il y a pas mal de gens qui remettent ce truc. Ça, c'est le côté alsacien, tu sais. Mais ils parlent toujours pas alsacien. Non, il avait dit qu'il parlerait la langue locale. Donc, commentaire de DNA. Ouais, il y avait, je sais plus quel article. Le premier commentaire s'en bat dans la page. Toi, tu lis les commentaires de DNA? Non. Alors, je savais qu'il y avait de la perversité à la YouTube, mais quand même. Il y a 1057 qui écrit, c'est le seul endroit où il est pas banni. On me fait des captures d'écran des commentaires des DNA. D'ailleurs, c'est une personne qui vient de quitter la pièce qui les fait, je crois. Donc, quelqu'un, un bingo Rosenia, pour la date de péremption. Un bingo Rosenia. Est-ce qu'on lui coupe la tête à Rosenia? Oui, Rosenia. Démission. Rosenia. Démission. J'ai une question sur Rosenior et elle est tout à fait naïve parce que comme Conan, un peu comme Conan, je suis loin, un peu plus loin que qu'avant. Franchement, est-ce que c'est un mec bien, est-ce que c'est un mec ou un faux cul, ou est-ce que c'est un gros anglais. On a compris, un gros anglais. Voilà, je pense que t'as tout dit. Est-ce que tu connais un peuple qui vend la même terre à deux peuples, qui fait bouillir les vierges, qui te met des fourchettes en mêlée pour te dire good game après? Bon. t'as pas une réponse un peu pour les gens simples comme moi, parce que là j'ai rien compris. Perfidie. Il se fout de ta gueule. Donc c'est un gros. La perfide Albion. C'est un gros enveloppé, quoi. Bah, il a pris les jeunes d'art. Un empulé. C'est ça, exactement. C'est un mec qui porte des pulls de Noël, c'est un empulé. Exactement, voilà. Comme dans Bridget Jones. Ouais, bah, c'est ça. Donc c'est pas un mec bien. Est-ce qu'il y a des gens pour défendre l'IM Rosenior? Ouais, alors au début. Au début, je vais vous dire quand a eu lieu la cassure entre lui et moi. Au début, je pensais que c'était un type bien, mais emprisonné dans tout le storytelling que ces mecs-là apprennent dès l'école primaire, à savoir se présenter, à savoir caresser les gens au sens du poil, quand on va faire un boulot dans le domaine dans des domaines où la communication est importante. Donc au début, je me disais, sous cette carapace de bullshit, il y a un type bien. J'avais envie d'y croire. Un petit carton. Exactement. Mais le match... Alors je sais plus lequel, j'en ai rien à foutre du Racing, mais le soir du match où le Racing gagne, c'est arrivé plusieurs fois, où il va devant la tribune et il fait bande de cons avec sa photo là, alors il mérite pas d'être applaudi. Vous vous souvenez de ce match? Oui, on sait plus le match, mais... Vous dites oui, vous savez. On était Marseille. Ah, ça doit être Marseille, exactement. Et là, Paris aussi. Et là je me suis dit, non, en fait, c'est une grosse merde. Voilà. Paris FC. Big shit. Voilà, ça fait. Donc, du coup, ça, c'était les pro-Rosenior qui ont parlé, c'est ça? Alex, vous voulez dire un truc? Non, mais alors, moi, je vais pas le défendre, mais je pense qu'il est... Par contre, je suis pas sûr qu'il soit sur un siège électable. Parce que, bon, il coche quand même toutes les cases, je veux dire, la com parfaite, l'espèce de connexion Brighton, là, avec les directeurs sportifs. David Ware. Voilà, le truc, je sais coacher des jeunes, etc. En fait, je me dis, mais il y a pas 50 autres coachs qui pourraient cocher autant de cases que lui, quoi. Qui est devenu son adjoint l'été dernier, c'est Philippe Coelho, qui était l'ancien entraîneur de la réserve de Chelsea. Paolo, Shakespeare, poignardé par son Canien fils unique. Poignardé par son adjoint, ça serait légal. On n'a toujours pas eu Guy David. Non, mais que Blucou emmène l'ancien entraîneur de la réserve, la vraie réserve de Chelsea, à Strasbourg, c'est quand même pour préparer la suite. Ah oui, ça pourrait être oui. Oui, c'est un signe. Il est fort. En plus, il a écrit l'alchimiste et tout. C'est que tous les joueurs de foot lisent, quoi. Donc. C'est une leçon de vie. Les joueurs de foot lisaient ça il y a 20 ans. Les joueurs de foot aujourd'hui, ils ne lisent plus. Non, mais si on reprend ce que disait Alex, sûr qu'il n'y a pas 50 mecs qui peuvent faire le job. Par contre, non, moi je pense surtout que les mecs qui décident, c'est pas forcément des mecs très patients. Et les mauvais résultats, entre guillemets, la dernière 7e, t'accroches la Coupe d'Europe sur un strapontin, après la dernière journée. Grâce au PSG. Voilà. Et là, cette année, t'es 7e, t'as dépensé 100 et quelques millions au mercato, c'est toujours aussi. Les mecs, à un moment donné, ils vont dire, c'est juste les résultats. sont insuffisants. C'est quand tu fais ton entretien annuel avec ton chef, il te dit bah, les résultats sont insuffisants. Et dans le foot, les résultats insuffisants, ça veut dire que t'es viré. Ou alors tu changes tous les joueurs. Surtout quand t'es entraîneur. Il y a plein de postes où t'es pas forcément viré, mais quand t'es entraîneur au foot et que les résultats sont jugés insuffisants par les boss, bah, tu dégages. Et ils vont pas forcément mettre un mec plus compatible, mais ils vont le dégager. Ils ont viré même la nutritionniste. Et effectivement, il y a bientôt plus grand monde à virer. Mercato sur la nutritionniste. Il y a eu un mercato de fou. C'est qui a remplacé, rappelle-moi. C'est un italien. Céline Dissot. Mec de Palerme. C'est un italien. Regardez ce petit nutritionniste qu'on a ici. Il y a un poule. Excellente transition sur la pizza. Exactement. C'est l'heure de la pizza. Il est temps. D'ailleurs, avant de partir, on ne pourrait pas se quitter sans un Marc Keller d'émission. Bien sûr, évidemment. Alors, on y va. Marc Keller d'émission. Voilà, et évidemment, allez, Et tout m'a déçu ce soir, moi le premier, donc je me suis déçu aussi, si tu veux. Voilà. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.